Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il est le roi des rois. Ni mfalme wa wafalme. Il mérite la gloire. Anastahili sifa. La louange. Utukufu. Amen. Amen. Hakuna bengine ba kumusifu. Ya personne d'autre qui peut le louer. C'est seulement nous ici. Akuna mwana ume sawa ye. Akuna mwana ume sawa ye. Akuna mwana ume sawa ye. Je salue aussi nos frères qui nous suivent en ligne. Pia wanduku wanafuata mtandao. Le frère Enoch Kitenge. Nduku Enoch Kitenge. Igen Kalala. Tukurigen Kalala. Ferdinand Kabongo. Ferdinand Kabongo. Et le frère Kasa, technicien Mampala. Nduku Kasa, technicien Kno Mampala. Ainsi que le frère Dan. Nduku Dan. Aussi technicien Mampala. Ben technofundi pale pa Mampala. Frère Murula. Nduku Mungola. De Bukavu, Bukavu, Junior Lumumba, Duku Junior Lumumba, Stéphane Tenga, Stéphane Tenga, Jean Aidi, Duku Jean Aidi, Frère Franck, Duku Franck, Frère Sony, Duku Sony, Frère Serge, Duku Serge, Frère Aaron Walima, Duku Aaron. Tous m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons arrêter. Léo Tutashima Misha. Je remercie le Seigneur pour son assistance. Je remercie aussi nos anciens. Notre frère Ngoï. Et le frère Josué. Nanduku José. Dieu bénisse richement. Mungu amibariki sana. Dieu bénisse tous les conseils de l'église. Mungu abariki shauri yote ya kanisa. Dieu bénisse la maison de mon frère Guy. Mungu abariki nyumba ya ndugu yangu Guy. Je suis à l'aise là-bas, c'est chez moi. Ah, nikutuhuru kule ni kwangu. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu ambariki nini wote. Pour votre présence. Njoo pieni. Je vais prier. Mitaomba. Seigneur Dieu, merci. Bwana Mungu tunasema asante. Dieu le tout puissant. Mungu wa uwezo yote. Dieu notre père. Baba yetu. Seigneur. Bwana. Ibu subui atukwe kufuata mtu. Ce matin, nous ne sommes pas venus suivre quelqu'un d'autre. Kufuata niwe. C'est toi que nous sommes venus suivre. Na weye unaketi fashile pe masifa. Et toi, tu habites dans la louange. Tunatokia mkukimbia sabato to yako. Nous venons de chanter comme tes enfants. Venye kuokolewa. Et en étant sauvé. Tunaamini akusema okumukati yetu. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Saifu kumukati yetu Seigneur. Comme tu es au milieu de nous. Utasemezana na maro yetu. Tu vas parler à nos cœurs. Toi, notre Dieu, notre Père, tu ne parles jamais en vain parce que tu n'es pas comme un homme. Celui qui peut parler est incapable d'accomplir. Mais toi, lorsque tu parles, tu es capable d'accomplir. Je commande à boire. Nous croyons que ce matin, tu vas parler à nos cœurs et tu vas agir encore. Tout ton enfant qui s'est approché en ces lieux avec des problèmes, tu rentres avec la solution. Celui qui est venu faible, qui rentre fortifié. Celui qui est venu malade, qui retourne guéri. Celui qui est venu sans le Saint-Esprit, qui rentre rempli du Saint-Esprit. Celui qui est venu sans être sauvé, qui rentre sauvé. Bénis-nous tous. Bénis ton église, bénis les anciens de cette église, tous ceux avec qui travaillent ensemble, qu'ils soient bénis, bénis Moutafsi, et même tous les interprètes ici, bénis notre chorale, le seul qui travaille dans cette église, bénis chacun de nous qui te sert ici, les frères à la technique, le caméraman, bénis chacun de nous, que nous puissions quitter en ces lieux, bénis Koubariki wa Kabisa Kabisa. Nous sommes dans ta présence. Béni tous tes serviteurs qui se tiendront debout ce matin. Béni Seigneur, notre pasteur de cette église, là où il est au Bénin, assiste-le Père, fortifie-le, qu'il soit une bénédiction là-bas. Sois avec nous, sois avec tous tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons debout. Genèse 24:60. Il venit Rebecca et lui dire, Oh notre sœur, oh dada etu, puisses-tu devenir des milliers de milliards, oh mama, wa elfu, na ma elfu, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que vous asseoir. Notre sujet s'intitule Shinaetu, possédant les portes de l'ennemi. Shika, mulango ya adui. C'est une promesse. Ini malako. Nous lisons encore dans Genèse 22. Na tunasoma tena mu mwanzo 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Malaika wa milele akamwita tena mara nyingine Ibrahim toka mbinguni. Et dit, na kusema, je le jure par moi-même. Na kulapia kwa mimi. Parole de l'Éternel. Neno wa milele. Parce que tu as fait cela. Na vile wafanya hivyo. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est une promesse que notre Dieu a fait à notre père Abraham. Et on a dit pendant la semaine, que Israël était la postérité charnelle d'Abraham. Ni uzao ya Ibrahim mumwili. Et cette promesse na concernait aussi Israël. Pendant tout le temps qu'Israël vivait, ou marchait, il marchait avec cette promesse. Parce que c'était leur promesse. Imalako, Israël a fait à ce qu'Israël a peur devant son ennemi. Mais Israël avait et peur Israël souvent sur lui-même. Alors que cette promesse, et pourtant, la promesse était suffisante pour vaincre n'importe quel ennemi. C'est la vérité, mes frères et sœurs. La promesse de Dieu a toujours été suffisante pour vaincre n'importe quel ennemi. C'est pourquoi vous voyez les Daniel des voix, les lions, ils n'avaient pas peur. C'était une porte. Daniel a possédé cela. Tous les enfants d'Israël, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont possédé la porte de leur ennemi. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Shadrach, Meshach, Abednego des voix aussi les faits, ils ont possédé cette porte. porte là. David, le roi David, devant Goliath. Il était téméraire. Un enfant de Dieu, il est téméraire. Il a la témérité. Il pouvait dire à Goliath, tu viens après moi avec des lances, avec des épées, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. C'est la vérité, frère. David, malgré qu'il soit catholique, il était plus puissant que Goliath. Pourquoi? Parce que celui qui était avec David était plus puissant que tous les hommes de la terre. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Ils ont possédé la porte de leurs ennemis. Ils n'ont pas eu peur. Et après des années, la vraie postérité est venue. Jésus-Christ. J'aime l'appeler la postérité infaillible d'Abraham. Oui, c'est infaillible, frère. Jésus-Christ, il est infaillible. On parle de David. Mais un jour, David était faillible. Il est tombé devant la femme d'Uri. C'est la vérité. Devant l'adultère, David a tombé. Il était faillible aussi. Malgré qu'il avait la promesse. Comme il était un homme. Né de la femme. Faillible. Daniel, il a vaincu les lions. Après un temps, la mort est venue devant la mort. Faillible. Il est mort. On l'a enterré. C'est fini. Kunaisha. Moïse, Moussa. Il a fait des grandes choses. Il a frayé même les chemins sur le sol. Les gens ont passé. Mais quand il y avait beaucoup de pluie, Israël a mis la pression. Et Dieu a dit à Moïse, va parler au rocher. Dans sa colère, il est allé la prendre par son bâton, au lieu de parler au rocher, à la sable, à Kapika Mouamba, Naye, à Riko Sapale. Elia, il a fait descendre le feu et ça consume le feu. Mais devant Jézabel, Elia n'a pas qu'à Il avait pris fuite et il a commencé à pleurer. Seigneur, on a tué tous les prophètes et moi aussi, je suis sur la liste. N'est-ce pas, tu avais fait descendre le feu. Samson, il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Il a fait beaucoup de choses. Une femme tombée, faillible. C'est la vérité. Branham aussi. Dans notre temps, il a fait des grandes choses. Banakonga katoto, on avait tamponné l'enfant, il était vraiment éparpillé. Branham a prié, et l'enfant s'est reconstruit, il a ressuscité. Faillible. Cette postérité infaillible. Il est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé sur la terre, infaillible. Il pouvait se tenir devant les Juifs. Il pouvait dire, nani atenista ki na zambi ni nani ki ula tasema yesa peut dire que Jésus Christ on t'avait trouvé avec la femme d'autrui, on t'avait trouvé avec notre femme, on t'avait trouvé avec ça. Il n'est pas là, il n'existe pas. Tu avais escroqué quelque part, tu avais menti quelque part. La semence infaillible d'Abraham, c'est la vérité. Il était né comme un homme. Na ya rizari kwa samutu. Il est né, il était bébé aussi. Il a grandi. Arrivé à l'âge de 14 ans. Un jour, temple. Moi, ils sont allés au temple. On les avait oubliés là. Et quand ses parents sont rentrés, c'est après qu'ils se sont rappelés que nous avons déjà oublié Jésus. Quand ils sont rentrés à l'église, ils ont récupéré Jésus, ils sont partis ensemble. La Bible dit, il y a quand ils sont rentrés avec lui, il était obéissant. Alléluia. Il les obéissait. Amen. Jésus-Christ, il a possédé toutes les portes de l'ennemi. La Bible dit, à la fin, Les enfants seront rebelles à leurs parents. Le Seigneur Jésus-Christ, il était aussi un enfant. Il avait aussi 14 ans. Comme toi, jeune frère. Qui est ici, qui a 14 ans. La rébellion des enfants-là, cette porte de la rébellion, le Seigneur Jésus-Christ, à 14 ans, il a possédé cela. C'est la vérité. Tous les enfants qui sont ici, vous avez 14 ans, vous avez l'adolescence, laissez-moi vous dire, avec Jésus, vous allez posséder la porte de la rébellion. C'est la vérité, parce que lui-même l'exemple, il a possédé cela. Et c'est vrai, mes frères. C'est dans Luc. Ils ont d'abord, c'est dans Luc. C'est dans Luc, ils ont ça quand même. Au lieu de parler seulement. C'est dans Luc 2. Luc, sur la capiri. Luc chapitre 2. Luc, sur la capiri. Verset 41 d'abord. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils lui montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Il avait combien? 12 ans. Alléluia! Amen. Il avait 12 ans. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il avait 12 ans. À ce moment, il était pas à Nintendo. Aujourd'hui, on a des enfants. Léo, tu n'as comme Nyumba ya Il est même baptisé. Combien de baptisés on a dit pour camoufler papa? Et on lui a baptisé, c'est pour camoufler ses papa. Ayayako. On a dit qu'on pique avant tout jeunesse, il y a quelqu'un pour. Et il veut nous frapper de sa jeunesse. Le Seigneur était aussi jeune. Kwa na il était aussi petit. Naya kwa mutoto. Même si tu as déjà c'est tellement bon. Il vole l'argent, aller jouer. Imagine quand ça quoi. Paris sportif. Paris. Il joue Paris aussi sportif. Au Paris sportif. On a bijou à Wapi. Comment est-ce que tu connais toutes ces choses? Tu connais des hommes catholiques. Il est et qu'on a Android. Petit avec Android. Et l'Android lui apprend tout. À toi. Ayaya. Tu n'as imaginé ça. Nous chantons. C'est tellement heureux. De croire au Seigneur Jésus-Christ pendant que nous sommes jeunes. Si tu es encore jeune à bas âge et tu te donnes à Dieu, tu dois te donner. C'est la vérité, frère. Pas parce que j'ai fait quand l'église des adultes, pourquoi on t'avait baptisé, qui t'avait envoyé? Cela veut dire tu es intelligent, tu es conscient de ce qu'on prêche. Alléluia. Amen. Si Jésus venait et que tu as 12 ans avec le Saint-Esprit, tu entreras au ciel. Dieu ne regarde pas à ton âge. C'est toi qui as cru et tu connais le bien et le mal. Église, sommes-nous ici? Les jeunes, sommes-nous ici? J'aimerais entendre vos voix. Est-ce que vous êtes là? Ndio. Ici, on n'enseigne pas que les enfants allaient voler l'argent de vos parents, allaient jouer au Paris Foot. Nous ne connaissons pas ces choses. Il n'était pas dans des cinémas. Il n'était pas au football. Non, il ne se retrouvait pas là-bas. Je n'ai jamais vu un chrétien fanatique d'équipe de football, même si c'est pour son pays. Nous sommes des patriotes, qui est nous ne sommes pas des fanatiques. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous avons le frère même le brochure de Branham, n'est-ce pas? Branham a dit, si votre pays a fait ça, va suivre calmement des football, laissez-nous tranquilles. Nous ne sommes pas des joueurs comme toi. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, frère. Bina kwa nguvu sasa. Vous voyez parfois, c'est un bon des prédicateurs. Iba ubiri, Joaleta, regardez, il se justifie avec les paroles de Branham. Vas-y avec tes choses-là. C'est la vérité. Nous, un frère. Nous, football. Dans des footballs. Honte à toi, mon a frère. Chakule. Arrête, c'est toi. Arrête de mentir seulement. Ta maison, il n'a pas de fonction particulière. Et les autres viennent s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons gagner. Aujourd'hui, nous allons les frapper. Toi avec qui? Toi avec qui vous allez les frapper? Toi avec tes païens? Ayayako. C'est compliqué. Niatari. Vous prenez même des citations de Branham pour te couvrir avec. Vas-y là-bas, allez, vous êtes terminé avec vos mazembe. Laissez-nous les choses de Dieu. Nous, nous allons continuer avec Dieu. Nos affaires à nous, c'est la parole de Dieu. Et des questions qui commencent. Est-ce que regarder le football, c'est un péché ou pas? Pourquoi tu as posé cette question? Si c'est bon, pourquoi tu as posé la question? Pourquoi tu as posé? Pourquoi tu n'as jamais posé la question? Vous disiez la femme d'autrui, c'est un péché ou pas? N'est-ce pas, tu te caches? C'est seulement le football que tu viens poser des questions ici. Pose la question. Recevoir les Saint-Esprit, c'est mauvais. Qui a déjà posé cette question? Qui a déjà eu à poser cette question? Tu n'as jamais posé cette question. Est-ce que recevoir les Saint-Esprit, c'est bien ou pas? Quand tu as quelque chose, il y a des questions, donc ce n'est pas correct la chose. Si tu as quelque chose, c'est soulève des questions, donc ce n'est pas correct. Comme ce n'est pas correct, arrête seulement. C'est la vérité. Oui. Moi, tu as ma question, il y a arrêtez des questions qui ne sont pas correctes. Tu as soif de suivre tes choses, allez suivre seulement, ne dérangez pas seulement les autres. Il y a des gens comme ça. Ils dérangent la foi des autres. Toi, tu es déjà tordu. Ah, comme tu es tordu, reste seulement comme ça, Mukweli. Au moment où on doit lire, au moment où on doit prier, toi tu es en train de suivre le football, ton ami là en train de prier, vous aussi, même s'il a blessé. Ne soyez pas très saint à l'extrême. Est-ce que prier, c'est être saint à l'extrême? Laissez-moi prier. Toi, reste au football. C'est la vérité. Kweli. Si il n'y a pas le feu, il n'y a pas le courant, il sera tellement agité qu'on puisse venir regarder pêche chez vous. C'est juste le match. Oh, compliqué. Mais quand tu t'absentes à l'église, tu n'entres même pas sur Internet pour suivre la prédication, la rediffusion de la prédication. Tu vois maintenant. Mais si tu rates le match, tu regrettes tellement. Honte à toi. Tu es distrait. C'est la vérité. C'est football. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. C'est la vérité. Ce matin, c'est une porte. Tu dois posséder cela. Kutawala na wele mulango. C'est vrai, frère. Il a il s'occupait des affaires de son père. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Alléluia! Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il était petit, mais il était soumis. Un jour, il a dépassé l'âge de 12 ans. Il est devenu un adolescent. Dans son adolescence, ce n'est pas prédiqué. Jésus-Christ n'avait pas l'adolescence comme vous. Les sensations que tu as, Jésus avait aussi. Il devait sentir ses sensations pour que lorsque toi tu passeras, il puisse mieux t'aider. C'est la vérité. Il a possédé la porte de la passion de la jeunesse. On ne l'a jamais trouvé dans des femmes, dans des bars. On ne l'a jamais trouvé dans ces histoires-là. Il était jeune, mais responsable. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Il était aussi jeune. Comme la postérité d'Abraham. Il devait aussi posséder toutes les portes de l'ennemi. Et certainement, akika, il a possédé cela. Et après un temps, moya, on l'a arrêté. Banamubamba, frère. Il a été arrêté. Bananza kumupika. On a commencé à le flageller. En train de lui insulter. Jésus-Christ. Il a été outragé. Même lorsqu'il était avant qu'il soit arrêté, on lui traitait de Belzéboul. Il n'avait pas répliqué. Alléluia. Amen. Les insultes. Matukano, il a supporté cela. Humilia, c'était une porte. Ni il a possédé cela. Arishika, le Seigneur Jésus-Christ. Il a été critiqué. Il ne s'est pas inquiété de ça. Il a possédé la Arishika, porte des mulango, ya mazarau. Il a possédé la porte Arishika, des insultes. Mulango, ya matukano. Il ne s'inquiétait pas. Objectif. Il regardait l'objectif. Shabbat, là où je pars. Et tout ce que les diables appellent faire. Quand vous braquez vos regards sur Christ. Il est bien de Christ. Tout ce qui se passe à côté. C'est son. Tu ne vas pas t'inquiéter. On lui a fait monter aussi à la croix. On lui a dévêti aussi. Il a possédé aussi la porte de la honte. Il a possédé cela. Il est mort. Comme tous les autres. Comme Moïse. Comme David était décédé. Mais ils étaient faillibles. Lui, il est décédé. On lui a mis dans la tombe. Le premier jour, il était dans sa tombe. Le deuxième jour, il était là. Le troisième jour, il a dit, toi, la tombe, tu es une porte que moi, je dois posséder. Alléluia. Amen. Le troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ, il est ressuscité. Il a possédé la porte de la mort. C'est la vérité. Il a possédé toutes les portes. Et après, il est parti. Il nous dit maintenant, nous, comme la postérité d'Abraham. Alléluia. Lui, il a vaincu. Que Dieu bénisse notre ancien. J'ai aimé cette lecture. Des Galates. J'avais aussi ça. Lisons ça aussi. Galates. Jésus-Christ a possédé toutes les portes. Écoutez. C'est dans Galates. Hein? Galates 3. Galatia 3. Non, combien? Prenons même 16, hein? Même 15. Hein? Frère. Je parle à la manière des hommes. Une disposition à bonne forme. Bien que faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham. À sa postérité. Pas seulement Abraham. Il dit à Abraham. Asema kwa Ibrahim, et à sa postérité. L'écriture. Andiko. De Genèse 24, 23, 22. Ya mwanzo makumi na mbili. Ta postérité. Possédera la porte de ses ennemis. Israël. Israël. A possédé la porte de ses ennemis. Mulango en tant que descendant d'Abraham. Uzao ya Ibrahim. En tant que postérité d'Abraham. Uzao ya Ibrahim. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais lakini Bwana Yesu. A possédé aussi. Alishika la porte de ses ennemis. En tant que postérité d'Abraham. Abraham. Maintenant, c'est notre tour aussi. Écoutez, et à sa postérité, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Ne peut pas être annulé. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. C'est cette promesse, la loi. Sheria, il faut que la promesse ait n'avait plus de valeur, de pouvoir. Car si l'héritage venait de la loi, kama il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Ule wakusambiana ana mupatanishi. Il n'est pas le médiateur d'un seul. Ana mupatanishi wa mutu moja. Tandis que Dieu est un seul. Lakini Mungu eko epeke. Ok. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Sheria eti iko na kumbanisha malaka wa Mungu. Loin de là. Mbali na hili. S'il y était donné une loi. Kama ilimpewa sheria moja. Qui puis procurer la vie. Ile pasi kutosha shima. La justice viendrait réellement de la loi. Waki akika pasi kutoka ushuhuda. Mais l'écriture a tout renfermé. Lakini andiko lifunga yote. Sous les péchés. Afin que ce qui avait été promis si donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Alléluia. Ce qui avait été promis si donné à ceux qui croient en Jésus-Christ. Il est malin comme la promesse que Dieu avait faite à Abraham leur appartient maintenant. Comme Jésus-Christ, il était où la postérité? La postérité où? Abraham. Il a possédé ma porte yote toutes les portes de ses ennemis. Et tous soyeront en Jésus-Christ. Que vous soyez, nani, même si que de quelle n'importe quelle nation, si vous croyez en Jésus-Christ, pas qu'à parler. Postérité à Abraham. Tu es venu aussi la postérité d'Abraham. Comme on a cru la postérité à Abraham, et lorsque tu deviens postérité d'Abraham, il est malaco à Abraham. La promesse d'Abraham automatiquement vous appartient. Alléluia. Amen. Vous croyez cela, Église? Ce matin, nous qui croyons en Jésus-Christ, la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, quelle est cette promesse? Nous parlons de la promesse de ta postérité. Qui dit ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Cette promesse-là, comme nous avons crié en Christ, cette promesse nous appartient. Alléluia. Amen. Christ, notre exemple, Christ mfano wetu, sur la terre, padunia, alishika milango yote. Yote, frère. Toutes les portes d'Uku, il n'a pas été accusé à aucune chose. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, comme Christ a possédé toutes les portes, et vous aussi, si vous croyez, vous allez posséder toutes les portes de ton ennemi. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Je continue. J'étais où? Ok. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fissions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est vrai. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Cette promesse, même les femmes, même les hommes, tout le monde peut posséder les portes de l'ennemi. C'est la vérité. Le problème, croyez d'abord en Christ. Si vous êtes en Christ, toutes ces promesses, c'est pour vous. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Ça c'est pour les hommes. Ils ont le pouvoir de chasser le démon. C'est faux. C'est donné à tout le monde. C'est la vérité. Un jour, le frère Branham dit, il avait appelé les gens en ligne de prière. Il y avait une femme assise à côté, une chrétienne, pour Christ. Elle était là, elle était aussi en ligne de prière. Il y avait une autre avec le bébé. Et son bébé était malade. Et l'autre, dans son cœur, on l'a poussé, demandé l'enfant pour prier pour cet enfant. Elle a suivi la sœur. Je vais te laisser ma place. Mais si tu veux que je prends ton enfant, je prie pour cet enfant. Il a dit, tu n'as pas besoin de me laisser ta place. Toi, prends seulement l'enfant, prie. Elle a pris l'enfant, elle a prié, elle a retourné son enfant. Et comme si de rien n'était, et la dame à qui on a prié pour son enfant, on est dicté sur la prière. Elle a continué. C'est comme si, c'est lui qui avait le pouvoir de guérir, c'est Sema Branham. Et quand elle est restée, elle suivit Ali et à son tour, Branham a regardé, non, ton enfant est guéri. Garde à Fulane, n'est-ce pas, Mumbea, n'est-ce pas ça, oui, mais l'enfant est déjà guéri. Je n'ai pas besoin de prier encore pour l'enfant. Amen. La promesse qui dit, inasema, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est pour na, vous. C'est pour vous aussi, sœur. Ce n'est pas regardé. La Bible dit, nous sommes basaïfou. Si tu regardes à votre faiblesse, tu tomberas. Regardez à la promesse. Malako, la promesse, malako, elle est plus grande, plus puissante que nos faiblesses. C'est la vérité. Ukweli. Nos faiblesses n'ont pas plus supérieures. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, frère. Yadamani, je continue. Il n'y a plus ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Voilà, mutumwa, ni libre. Voilà, il n'y a plus ni homme ni femme. Akuna, mwanaume, wala, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ajoute héritier selon la promesse. nous sommes les héritiers selon la promesse. Tu me regardes, sinon à ma foi. Je n'ai pas d'importance. Mais devant Dieu, je suis un héritier. Selon la promesse. Parce que j'ai crié à Jésus-Christ. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Regardez dans le monde. Les héritiers. Et ils ne blaguent pas avec leur héritage. Non. Les héritiers sérieux, ils ne jouent pas. Laissez-moi lire le frère Franck d'abord sur ça. C'est dans la prédication. Nous sommes héritiers de Dieu. Mais les revendiquons-nous? D'abord, j'aime d'abord c'est le titre, c'est le mot. C'est une question. Et ce matin, je te pose aussi cette question. Tu crois que tu es héritier de Dieu? Sœur, tu crois que tu es héritier de Dieu? Est-ce que vous les revendiquez? Vous les revendiquez? On a irrévendiqué quoi? Tu es héritier. Tu es héritier. On dit que le véhicule vous appartient. On te donne la clé de contact. Mais tu n'as jamais prêté dans ce véhicule. Est-ce que réellement ça vous appartient? Tu es héritier. Là, qui n'a pas joué. Tu t'ignores. Et c'est ça, Ali, il y a plusieurs, ils sont héritiers, mais ils ne se connaissent pas. Si tu es héritier et tu ne te connais pas, et même le domestique de la maison va te taper. Église, Kanisa tout pas moja. Mouriti, quand il est encore petit. Quand il est encore petit. Il n'est pas différent de l'esclave Moutoumou. Le bon peut taper. Pourquoi il ne reconnaît pas ses obligations, ses droits? On peut le taper, il va courir en train de rire. On va l'envoyer. On l'est d'envoyer. C'est lui qui l'envoie. Toi, va me prendre de l'eau. Il va aller prendre et il lui amène. Pourquoi? Parce qu'il est héritier, mais qu'ils ne s'y connaissent pas. Si vous êtes héritier et vous ne vous connaissez pas, le diable viendra te tirer par les oreilles et te dit tu vas pas la prostituer, vas-y là-bas et tu pars. Pourquoi? Parce que tu es héritier, mais tu ne te connais pas. Pourquoi pas? Êtes-vous ici? Ouais, tu ne vois pas de courte jupe. Vas-y, courtiser et va prendre. Tu prends, tu vas mettre. Pourquoi? Parce que tu es héritier, mais tu ne reconnais pas ton état. C'est comme si tu es esclave. Pour moi, le diable par le tenir par les nez et tiré dans la boue de la de ce monde. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Tu dois revendiquer cela. C'est la vérité. Lorsqu'un enfant est sage, il a le bon sens. Papa, il va poser ça. Ces choses qui m'appartiennent. Maintenant, pourquoi j'ai fourraille nade? Il y a quelque chose qui ne va pas. Kendeki, papa, tu m'as donné comme si on donnait les chèvres et tu tiens encore à la corde. Les hommes peuvent faire ça. Mais Dieu lui, quand il donne, c'est fini. À la savoie, il oublie même. À chaque coup, il t'a déjà donné. C'est à toi de faire ce que tu veux. C'est la vérité, frère. Nous sommes les héritiers. Cette promesse nous appartient. Écoutez, le frère Franck dit, dans cette prédication, Mouima Obiri, page 11. Il dit, Jésus, notre Seigneur, a dit, ceci est le Nouveau Testament à mon sang. Il a déjà présenté de son vivant comme ayant force de loi. Alléluia. Amen. Il a déjà présenté comme il y a force de loi en son sang. Que devons-nous dire à cela lorsque sur la terre un testament est ouvert? Alors les héritiers se battent. Ils peuvent s'amener même aux arrêts. Pourquoi? Parce que ce testament, ça c'est ma part. Quand on t'a donné la parcelle de l'autre côté, n'espace ici m'appartient. Tu n'as pas le droit de vendre ça. Alléluia. Amen. Ici, ce sont les hommes de ce monde. Ils peuvent s'entretuer à cause de l'héritage. Regardez, on va vous conseiller. On peut vous conseiller. Par les hommes, on vous dira. Bah, en combien, il ne faut pas payer le parcours de la famille. Si la famille n'est pas là, parce que c'est leur héritage. Et chacun d'eux a droit à cet héritage. Alors, amen. Et pourtant, on accepte. Il peut s'entretuer. Pourquoi? Parce que je lutte pour l'héritage. Les choses périssables, il peut trouver une parcelle, il va mourir. Et la parcelle va rester. Mais l'héritage que nous avons, elle est éternel. Si les gens de ce monde luttent pour défendre les choses éphémères, maintenant, quant à nous, ça sera comment? Écoutez, il dit. Mushiki. Ils se battent. Ils vont au tribunal. Ils vont au tribunal. Et se jettent sur l'héritage. Au point que l'on peut presque se sentir mal à l'aise. C'est comme s'ils ne sont même pas frères. C'est là, il est question d'héritage. L'autre est déjà rouge. L'autre aussi. Il y a les autres qui vont faire sortir des machettes. Les gens qui ne croient pas. Nous allons nous tuer sur ces héritages. Nous allons verser les sangs. Je ne peux pas céder à quelqu'un d'autre. Nous pouvons mais ton héritage à toi. Laisse les diables en train de blaguer avec Nini Nile. C'est compliqué ça. Les chrétiens ne savent pas lutter pour recevoir leur héritage. Au moment où Israël est sorti, Dieu leur avait dit, je vous donne Cana. Et les ennemis étaient là. Israël devait combattre pour chaque parcelle. C'était son héritage. Même aujourd'hui, le combat. Notre bataille dans le monde, Mudunia, vous pouvez combattre pour les papa n'est pas là. Et Nababa Anaku. Il vous a déjà laissé. Et vous allez vous exterminer. Mais dans notre royaume, lakini quand vous combattez pour votre héritage, votre père ne vous lâche pas. Il est avec vous. Il vous aide, frère. Il te donne même la force de combattre pour vaincre. Nous devons nous lever vers. Normalement. Kwa kawaida, au milieu de nous. Kat yetu, on ne devait pas entrer de pécher sous l'adultère. Au milieu de nous. Nous croyons ces messages. À la chair. Prêcher l'adultère. Kwa kawaida, on ne devait même pas nommer ça. Pourquoi? Juanini, parce que nous avons la parole pire, nous avons la promesse correcte, et dans la parole il y a la puissance. Lorsque vous voyez la puissance de Dieu entre en vous, et ça va couper en vous la vie d'adultère. Nous croyons normalement, quoi, kawaida, on ne devait pas condamner ces gens. On devait seulement monter ici, kawaida, tu passes quand en panda, et vous dites de bonnes choses, c'est que Dieu réserve pour vos pieds. Regardez ce Corneille. Il était un païen. Regardez la prédication de Pierre. Pierre n'a pas pressé sur le Saint-Esprit. Pierre parlait de Jésus seulement. Église, Kanisa, êtes-vous là? Pierre n'avait pas parlé de Saint-Esprit. Non, non, non, non. Il a commencé à parler de Jésus. En parlant sur Jésus-Christ, comme Corneille et les autres, avec des bonnes dispositions de cœur, et le Saint-Esprit est descendu. C'était un païen comme toi. C'est la vérité. Parce qu'à l'égard des Juifs, parce que nous, nous sommes Yuda, des païens. Mais qu'on a moubiri, yes, et on lui prêchait Jésus. Mais toi, on t'a prêché, tu n'as pas toujours le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Tu n'as pas toujours reçu le Saint-Esprit. Maintenant, que veux-tu? Compris tes péchés comment pour recevoir le Saint-Esprit? Et si nous ritiaco, maintenant, lutte pour gagner cela. C'est la vérité, frère. Nous quoi? Si nous avons cet état de cœur, comme nous défendons nos choses charnelles, si on luttait pour les choses célestes, frère, nous serons plus supérieurs au milieu de nous, Barit, aujourd'hui, avec les escos Bakuibiana dans l'église. N'est-ce pas, ce sont des choses bas. Il y a même des sœurs bakuibianes. C'est une sœur, elle a quatre fiancés. Elle aussi, elle est comme mondaine. L'autre, la paye la lotion. L'autre paye des vêtements. L'autre, c'est lui qui paye le méga. Tu es folle au milieu des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Les héritiers du monde. Ils se battent pour les héritages. Écoutez, il continue. Anendere. Au point que l'on peut presque se sentir mal à l'aise. Écoutez, il dit. Et nous, en tant qu'héritiers divins, nous sommes assis là. Et ne sommes même pas du tout intéressés par le testament qui nous a été laissé. Yai kartasi baritwachia. Alléluia. Si ba Christ, nous les chrétiens, ba héritier ba kimi, tout ça qui cala parle. Dieu, nous sommes assis là. Tout c'est comme si nous ne sommes même pas intéressés. C'est que tout il accepte qu'il soit appelé frère. Mais il n'a ni les saints esprits. Et pourtant les autres vie viennent, même la vie éternelle, il n'a pas mais ça. Il est mais ego tout moyen que tout lisana. C'est quoi ça? Ni comment est-ce que tu prospères? Ou quoi starer pas? Tu es installé alors là, que la Bible te dit, à l'aise, et pourtant la Bible te toi, dit, toi la postérité d'Abraham, tu posséderas Utashika, les portes de Oulam, ses ennemis, Yawaduya, de tes ennemis. Yawaduya, maintenant, toi, tu es là, aujourd'hui, tout suite, que soit une fête à Oumanam, demain encore, maintenant, cet esprit d'adultère, c'est le Moulango, Yawadui, pour qu'on t'a donné le pouvoir, Yawadui te posséder, c'est la vérité. Nous tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont la puissance de posséder chaque porte. L'adultère, frère, l'inanité, frère, c'est une porte. Tu dois posséder cela. On n'a pas chaque tawala, c'est la vérité. Comment est-ce que le diable t'a coupé KO? Comment ça? À la croix, Christ a vaincu. Et quand nous croyons, nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Nous combattons dans la victoire. C'est la vérité, frère. Victoire, tu es déjà là. Tu dois avoir la victoire sur la victoire. Tu dois avoir la victoire, la victoire sur les mensonges. C'est la vérité. C'est une porte que toi, tu dois posséder. Quand si ça ne marche pas, où est-ce que tu dis? Un héritier doit revendiquer. Mourite la page kudai. Seigneur, il porte. La porte ici. Ouais. Pourquoi ça me coince? Moi, je ne crois pas ouais, comme ça. Toi, tu ne m'as pas dit les choses de cette façon. Est-ce que toi, Jésus, tu m'avais dit que lorsque tu es ton enfant, je resterai toujours adultère à Pana. Tu vas prier Jésus, donne-moi l'écriture qui dit que les enfants de Dieu adultèrent. Accorde-moi cette écriture. Au moulisé, pas le quoi comme ça. À cause de mon adultère. N'est-ce pas, il est mort à la croix. N'est-ce pas, à Rikufa Moussa, à cause de cela. Dieu a healé. Église, vous êtes ici. Tu crois pas. Comme Arikufia, il est comme ça. Si il est mort pour ça à la croix. Pour ça de cette porte. Subui, nawe shika, il est moulango. Seigneur, aujourd'hui, on se moque de moi. Je commence à escroquer les frères. Maintenant, là, j'ai échappé des cadres des talons. Je commence même à escroquer le païen. Ça n'est fini pour moi. Je commence à amener la honte à ton église. Seigneur, donne-moi l'écriture. Puisque-moi ton enfant, je vais commencer à jeter l'opprobre sur ton église. Où est cette écriture? Où est-ce que tu étais monté à la croix? Tu es pas mort à cause de mon escroquerie. C'est pour toi. Tu dois posséder cette porte-là. C'est la vérité, frère. Jésus-Christ a possédé la porte de la tentation. Toi aussi, tu crois en lui. Tu dois posséder toute porte de tentation. C'est la vérité, frère. Il y a d'autres choses à te subir. Imagine-toi. Avec un amant et tu habites chez ton mari et quand on prêche là et tu es là assis, tu te sens comment? Les enfants que tu as eu, ils apprennent aussi que votre maman elle a été répudiée parce qu'elle avait un amant. Quelle honte! Ni haya kani mbatoto. Tu n'as même pas pitié de tes enfants. Ni mulango na yo. Que tu dois posséder, ma soeur. Ce matin. C'est ma bille marianzangouni. C'est comme tu parlais hier samedi. On m'avait cité dans de mauvaises choses que toi tu faisais. Ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu. Uwezo ya Mungu. Iko katikati yetu. Tu dois posséder cela. Mais c'est la vérité. Branham le dit. Branham a laissé. Laissez-moi le dire d'abord. Nous sommes mêlés. Lisons ça. Dans cette prédication. Possédant la porte de l'ennemi. Page 12. Page 58. Dans l'église du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il prêchait la prédication ce matin. Et aujourd'hui, Naleo, je vous parle aussi ce matin. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, vous êtes l'église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance. Je m'arrête là d'abord. Maintenant, la paix. Maintenant, pendant que nous parlons. Apa, uwezo wa Mungu iko hapa. Ibia kweli dada. C'est la vérité ma soeur. La puissance. Uwezo ce matin iko hapa. Se trouve ici. Kama ulikuwa na doute. Si tu avais au nom de Jésus-Christ, mujina ya Jésus-Christ. Que Dieu t'augmente la foi, qu'il augmente la foi. La puissance est là. Uwezo iko hapa. Hapana kudute. Ne doutez pas. Il continue. Se trouve la puissance de guérir kutunza, toute maladie. Magonjwa yote, ya kuponya magonjwa yote. Alléluia. Ah. Il y a des maladies ici. Eti magonjwa yote katikati yetu. Ok. Frère, on est Shaula qui est mon corps. Donc, dis à ton voisin de t'imposer la main. On est Shaula naya qui est mon corps, frère. Demandez à ta sœur à côté de t'imposer les mains. Toi, tu es malade, demande à celle qui est à côté de toi de t'imposer la main. Vous croyez que vous êtes la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham possédera la porte. La maladie, c'est une porte. Ni mulango. Ce matin, tu dois posséder cela. Tu es malade, demande à celui qui est à côté de toi de t'imposer la main. Toi qui imposes la main, chasse les démons. Toi, les démons de la maladie, au nom de Jésus-Christ, sort. Vous avez compris? Munaelewa? Sœur, tu es malade qu'on t'impose la main par celui qui est à côté de toi. Mon frère, ma sœur. Qu'on t'impose aussi la main, vous qui êtes là-bas. Ici. Elle ne voit pas. On t'a déjà imposé la main. Si tu es malade, impose la main sur ton voisin. Même toi qui es malade, tu peux imposer la main sur ton voisin. Prions brièvement. Vous qui imposez les mains, chassez maintenant les démons. Dites que ces démons puissent quitter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tous les démons qui tourmentent. Seigneur, que ta puissance puisse les toucher. Puisse tous avoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Vous croyez que vous êtes guéri? Unaamini kwamba mnapokea matunzo? La puissance de Dieu est ici ce matin pour guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes, frère, même les cancers. Quand Jésus était sur la terre, Seigneur, nous avons la lèpre, guéris-nous. Jésus a dit seulement un mot, Nabukoma et la lèpre était partie. Le même Jésus, il est ici. Mais c'est la vérité, mon frère. Quoi, Libanduko Abadada? Ataluf. Même la mort. Il a possédé ça. Arishika Mulango. Moutou a qui fait foi. Un épileptique. On lui a amené à Jésus. Jésus a regardé. Il a posé la question aux disciples : comment avez-vous échoué? Les gens de paix de foi, comment avez-vous échoué? Vous me l'amenez ici. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Le Tout-Puissant. Le Tilobo, frère. Le Tilobo. Il a dit juste un mot. Et l'épilepsie est partie. Ce matin, dis-lui, Seigneur, dis-moi aussi sur ma vie. Que le Seigneur puisse dire un mot. Et je te dis ce matin, il ne dit pas seulement un mot, mais il est en train de dire beaucoup de mots. C'est la vérité. Croyez seulement que c'est le Seigneur qui me parle et récupérez cela. On vous a déjà donné cela. Et regardez. Est-ce que le frère a fait? N'est-ce pas, c'est ce que toi aussi tu dois faire. Son problème, c'est récupérer. Mambo yake tu nikubeba mimi chaque mupatia. Alléluia. Il a pris la guérison. Il est venu. Anakupatia. Il a pris le salut. Il est venu, il t'a. Anakupatia. Ton problème c'est quoi? Allez récupérer. Il a pris le Saint-Esprit. Il est venu, il t'a donné. Ton problème c'est quoi? Récupère. Ce matin, récupère ton Saint-Esprit. C'est la vérité, frère. Récupère seulement cela. Ouais, retournez Dieu à ses paroles. Le frère Branham disait, saisissez Jésus par ses mots. Si tu n'es pas avant lui, si Moïse, Moïse a saisi Jésus par Dieu par ses mots. Il a dit, je vais exterminer Israël, je vais saisir la postérité avec toi. Moïse a dit, non, n'est-ce pas, tu avais promis à Abraham. Maintenant, quand ces gens apprendront, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que tu n'as pas la puissance. Traiter Dieu d'impuissant. C'est compliqué, frère. C'est pourquoi Je n'aime pas l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est comme une insulte. Si tu ne crois pas, tu dis à Dieu que tu es incapable. Tu ne peux rien. Tu ne feras rien. Amini. Vous savez, quand Josué marchait, Dieu lui a dit, parlez là où la plante de votre pied foulera, je vous l'accorde. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué ne s'inquiétait pas. Un jour pendant la bataille, il a regardé à la montagne, il voit un Goliath devant lui, un géant qui était là, avec, il sortait aussi son épée. Josué a regardé, il a dit, je n'ai pas peur de ce géant. Moi, Nikuna Malako. Moi, j'ai la promesse. Avec la promesse. Devant moi, il n'y a aucun démon qui peut résister. Il a fait sortir son épée. Il a dit, tu nous appartiens ou tu es de l'autre côté. Et Jésus a dit, je suis le général de l'armée céleste. Il a dit, celui qui m'a donné la promesse, il est là, il s'est mis à genoux. Mon frère, ma soeur, celui qui t'a donné la promesse, c'est ma terre. Il a soubouï et quoi pas. C'est la vérité. Sukweli. Asukwe na boka. Il n'avait pas peur. Toi, tu as peur. Pourquoi? La parole de la vérité. Neno, nous l'avons. Joye tukunayo. Siku N'est-ce pas, il y a un cantique que nous chantons? La parole Nenola, et l'étincelle ni qui peut produire un grand feu. Ce sont des étincelles. Oh, il est naweza kutosha kimbirimbiri. Il est itatoa flamme. C'est ce que nous avons. Ça vient comme si c'est comme si c'est faible. Non. Toi crois correctement qu'elle puisse habiter en toi. Tu verras comment le feu va s'allumer. C'est la vérité. Nous avons la promesse. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, na Mungu alimwambia Ibrahim, ta postérité ya kwamba uzao possédera itashika milango des ébdélénés. Ya waadui. Les portes. J'aime le frère Abraham dire, posséda les portes. Il y a plusieurs portes. Alors toi, tu dois posséder cela. On n'a pas kushika ile milango yote. Il dit, anasema, dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance des vaincus. Toutes les tentations, ya kushinda jaribu yote, ce matin, asubuhi, dans l'église du Dieu vivant, Mungu se trouve la puissance de vaincre toutes ya les tentations. Jaribu yote. Alléluia! Amen. La puissance est là. Uwezo iko hapa. Il continue. Anaendelea. Toutes les tentations entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin, entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin, se trouve la puissance de changer les péchés. Église, vous êtes ici entre nos mains, se trouve la puissance de changer les péchés. Cette puissance est ici. Tu l'as. C'est entre tes mains. Amen. C'est toi-même qui as la puissance. Na uwezo. Ya kubadilisha bintu. Unasema leo. Ça n'est assez. Kuna enea. Leo kuna isha. Aujourd'hui ça n'est assez. Vous esclave, mina bushimamisha. Ah, mina toka, mina enda. C'est la réalité. Tu as ce pouvoir là. De les rejeter. Ya kutupa mbali, et de recevoir na kupokea, les baptêmes du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce que vous désirez, demandez-le à mon nom, et ilombe, et cela vous sera na accordé. Ile, encore un peu de temps, wakati kidogo et le monde, dunia hii, ce qui n'est pas la semence d'Abraham, Ibrahim, mais celle qui est non régénérée upia, ne me verra plus. Tena, mais vous, mais mwei, vous me verrez. Mutaniona, car moi-même, car je serai avec vous, kwani, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Quoi? La semence royale, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est ce que Jésus a promis. C'est dans Jean 14. Parlez à Nanyamin. Ce que je fais, ils feront le plus grand. Et ils feront le plus grand plus que moi. Écoutez, frère. Un jour, je me suis étonné. Le frère Branham, le frère Franck, en prêchant, il dit, les apôtres n'ont jamais prêché sur la puissance, sur les miracles. Aba ubiraka pamujiza. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est ininin. Il a dit, anasema, ils ont fait les miracles. Bo barifanya miujiza, abakubiri miujiza. Abakubiri yulu ya miujiza. Ils n'ont pas prêché sur le miracle, mais ils ont fait le miracle. Aujourd'hui, tu es poussé à prier sur le malade, il faut qu'on puisse te prêcher longuement pour savoir. Enlevez cette paix. Tosha ile boka. Vous avez la puissance. Uwezo, et Dieu vous a donné le pouvoir. Il ne va pas vous les ravir. Bon, si toi tu n'obéis pas au diable, il va t'amener où? où est-ce qu'il va t'amener? Atakupeli kawan. Alors que pas loko na mfuata. Et pourtant quand tu suis le diable, c'est en enfer où tu vas. Et tu as le pouvoir de dire, toi diable, tu vas t'arrêter ici. Il a appelé les disciples de Jésus. Il les a donné seulement le pouvoir. Aliba patia tu huwezo. Asema mwende. Il dit allez. Chasser le démon. Faire banenda kule. Là où ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Et quand ils sont revenus, ils disent à Jésus, même les démons nous ont obéi. Qu'est-ce que Jésus a répondu? J'avais vu les diables tomber du ciel comme un éclat. C'était avant les. Il quoi, n'imbé les obatiers. Mais ils avaient le pouvoir au nom de Jésus-Christ de faire fuir les diables. Maintenant, toi, Narom Takatifu, comment tu n'auras pas le pouvoir de faire fuir les diables? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ninini la endeke. Dans l'église, Mukanisa, il y a la puissance. Muko Uwezo. Ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Quoi? La semence royale. Les œuvres que je fais. Vous le ferez aussi. Je confirmerai moi-même. Que je suis avec vous. Car ces signes. Accompagneront. Ceux qui croient. Ils posséderont. La semence. Non de son ennemi. Mbeko ya hadu yake. Il possédera. Watashika. La porte. Mulango. Que ce soit la maladie. Ikwe magonjo. Les tentations. Iwe jaribu. Ou les péchés. Wala zambi. Église. Kanisa. Vous comprenez ça? Munaelewa hii. Ils vont posséder. Ou watashika. La maladie. Magonjo. Les tentations. Majaribu. Même les na péchés. Hata zambi. Le péché n'a pas droit de dominer sur toi. Je t'a donné le pouvoir de posséder cette porte. Ya rushika ile mulango. Kibengo ngo pa na kusema wa kibengo. C'est une porte. Tu dois posséder cela. On a pas ça kushika ile mulango. C'est la vérité. Kweli. On a tafuta kufanana pa na banamuke ba mutunia. Tu veux ressembler à tout prix avec les mondaines. C'est une porte que toi tu dois posséder. Pas l'autre, toi, ouais, Moya. Toi-même. Toi-même, tu dois te prendre en charge. Et dis que ces choses ici m'appartiennent. Tiens-toi debout. Alléluia. Tiens-toi debout. Angaria. Regarde. Les gens ont ces termes à la cité. Par exemple, lorsqu'il y a un problème avec l'enfant, vous allez voir la maman de son ami dire. Tiens-toi d'abord. Si ton mari est décédé et les enfants alors que venaient pour t'appeler les choses et pourtant c'est le nom des enfants. Si ma mère m'appelle Youlou, Dieu a eu maman. Tiens-toi debout encore sur ce problème. Tes enfants, ils vont te rester sous Alléluia. La rue. Tu as aussi la promesse. Ce matin, si ma mère m'appelle Youlou. Tiens-toi ferme. C'est la vérité. Après, tu es à l'aise. Tu es à l'aise là. Après, ben, gire, ben, et les autres, ils ont trouvé. Est-ce que la promesse appartient à ton frère? Et toi, non. Mais pas, tu viens aussi ici. Laissez-moi vous dire moi, une chose. Dites à Dieu. Le fait que je piétine ici. Je suis un méchant. Mais toi, tu délivres les gens. Le fait que j'ai piétiné ici, aujourd'hui délivre-moi. C'est la vérité. Qui t'a fait sortir de ta maison pour t'amener ici? Prends la parole. Dis à Dieu. N'est-ce pas tu y as dit? Personne ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il est venu. N'est-ce pas la vérité? Seigneur, mire quoi il est semaine. La semaine passée, c'est venu. L'année passée, je suis toujours escroc. Il est moaka. Et l'année, j'étais toujours escroc. Et cette année encore, pourquoi tu permets que je puisse venir dans ta présence pour écouter ces choses et retourner? C'est faux. faux. Vous devez vous décider. C'est la vérité. Si vous prenez la décision, Satan est à vous qui m'y a. Le diable fuira loin de vous. Tu dois te décider toi-même. Même la porte du péché. Vous devez posséder cela. Il lui dit, vous avez la puissance. Uko na uwezo. La puissance est là. Je lis encore le frère Branham. L'eau toujours présente du rocher. Yam 61. De 1961. Écoutez. Nous sommes où? Page 28. Tu veux même le paragraphe 147. Et après tout en Zamboka. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, frères et sœurs, je veux vous demander quelque chose. Alors, si nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles. Mungu ekalaki ata na kakipande ka uzaifu. Église, vous êtes ici? Mungu alita tuko hapa. Je n'a pas de petite partie faible. Mungu anata na kakipande ka loko ka uzaifu. Nikusaidie wewe unasema faiblesse ya Mungu. Tu appelles faiblesse, faiblesse. Ni wewe unajilanda. C'est toi-même tu te trompes. Dieu n'a pas de petite partie faible. Kakipande ata ka loko ka uzaifu. Montrez-moi dans la Bible. Ah. Où est-ce que vous avez vu la faiblesse de Dieu? Pale mshako na uzaifu ya Mungu. Il n'a jamais été faible. Ayakuyaka mzaifu. Il dit Dieu n'a pas de petite partie faible. Ana na uzaifu ata kidogo. Et de grosse partie forte. Ka nguvu. Aye, les autres ils sont forts. Les autres ici. Nous sommes faibles. Nous avons nos faiblesses. Est-ce que tu as Dieu en toi? Église, si moi tu as Dieu en toi. Nous tous avons Dieu en nous. Dieu n'a pas de petite partie faible. Ana na kakipanda ata kaloko ka uzaifu. N'est-ce pas on a parlé d'Israël et de Balaam? Tu as tout commencé à Israël na Balaam. Balaam banamone partie kabaya ka Israël. Mais quand il a regardé, même ce qui était faible parmi eux, comme ils étaient la postérité d'Abraham, ils étaient forts. C'est la vérité, frère. Devant l'ennemi, comme nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes toujours forts. Devant l'adultère, fort. Devant les mensonges, fort. Devant les vols, fort. C'est la vérité. On a Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. Il est entièrement Dieu. Alléluia. Amen. Et si vous avez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, c'est vraiment une ombre de Dieu. Ombre de Dieu. C'est l'ombre de Dieu. Comme c'est l'ombre de Dieu, tu n'es pas, il n'y a pas la faiblesse. C'est la vérité, frère. Comme c'est l'ombre de Dieu, ce n'est pas l'ombre de nom. C'est l'ombre de Dieu. Il n'y a pas de faiblesse dans cette ombre. Aïna, mon frère. Il n'y a pas. Nathan, il a qui vous regarde. Même c'est une petite ombre. Il y a toujours la puissance dans cette ombre. C'est la vérité. Nous quoi? Une ombre, c'est suffisant. Il est qui vous qui n'a aînéa. Ok, c'est suffisant. Qui qu'on a aînéa. De puissance, c'est suffisamment de puissance. Qui qu'on a ouais à quoi aînéa. Pour créer une nouvelle terre. Église, vous êtes ici. L'ombre c'est le mât. Il est kimvuri tout comme c'est l'ombre de Dieu. C'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. C'est la vérité, frère. Et cette puissance là n'est pas ailleurs. Il croit pas. Cette puissance est en toi, en moi et en vous, ma sœur. C'est la vérité. Tukweli. Ni bien tout frère. Ah, ça nous appartient. Laissez-nous vous le dire comme ça. Bikobu. Très bon, c'est bien, frère. C'est bon, c'est bien. Avançons tel. Possédant les portes de l'ennemi. Qui va posséder ce toit? C'est moi. C'est toi, ma soeur. Peu importe le problème qui peut s'élever, la rébellion s'élève dans la maison. Les enfants, l'autre ancêtre, l'autre je ne sais pas quoi. Tu es la postérité d'Abraham. Tu dois dire, ça ce sont des tempêtes. Mazuruba, la postérité infaillible d'Abraham, quand il était sur la terre, il a dit à la tempête, arrête-toi là. Et la tempête s'est arrêtée. Ça aussi, c'est la tempête. Alors la postérité infaillible d'Abraham est à moi. J'ordonne à cette tempête des rébellions dans ma maison. Itashimame. Que là ça puisse s'arrêter. Et la tempête va s'arrêter. Vous croyez dans cela? Et tu m'as mis le mouillé. Qui veut faire sortir la rébellion dans leur maison? Touchez-moi. Lève-nous. Si vous voulez chasser la rébellion dans votre maison, dites seulement deux mots. Oui, c'est Matoumi, c'est Mokito. Miri. Deux mots. Moi, ma rébellion. Vous, le rébellion. Ma esprit à rébellion. L'esprit à Otombose. Qui habitait dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, sortez. Laissez-moi encore aller plus loin. Moi, tu n'es pas. Frère Branham. D'où Branham. J'étais parti prier pour une dame. Je ne sais pas si son enfant était malade. Mais la dame a dit à Branham, ce que je cherche, je veux le salut de mes enfants. Branham a Riombaka et cet enfant a été sauvé. Vous avez le droit de réclamer aussi le salut pour votre famille. Alléluia. Amen. Le pouvoir là, vous en avez. Mugunayo. Mungu atavifaje misijue. Fera comment? Mais atamtouche où le poule est. Atamkotanisha na neno ya Mungu. C'est la vérité. Amen. Na Mungu atamubadilisha na mimi. Il va changer et il va croire. Philippe, il était de l'autre côté. Romu takatifu na munyangula Philippe. Il a mupeleka kule. Anamubiri ule Bwana. Na ule Bwana na mimi. Bile bimba inapaka bia. C'est pour nous aussi. Nous devons nous révolter. Si tu n'as pas ça, tu chassez ces démons. Ne priez pas beaucoup parce que vous avez le pouvoir. Chassez ces démons, mon ouézo, tombe. Dieu vous accorde ce que vous avez demandé au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. C'est le temps de se révolter. Aïe, c'est le temps de rester au coin. Comme un quelqu'un qui a endeuillé, celui qui a perdu son mari, notre Seigneur est décédé, et le troisième jour il est ressuscité, il est vivant. C'est la vérité, mes frères. Il a possédé la porte de la rébellion. Na ouais, on n'a pas su y posséder. Aussi, tu dois dominer. Je continue. Nendelea. C'est suffisamment de puissance pour créer une lune et un nouveau système. Ata c'est Dieu ni ule mungu. Et c'est fort. Et wa nguvu. Ah, ni Mungu, ni Mungu, nani ya nguvu. Et en ce moment même, na mwi wakati, dans chaque croyant, dani ya kila mwaminifu, ici, apa, il y a la vie éternelle. Ce qui est l'Esprit de Dieu en vous. Suffisamment de puissance, uwezo, il ressuscitera les morts. Alléluia. Il croit uwezo. Cette puissance il est là. Il va chaque fois. La morte, puissance est là. Au nom de Jésus-Christ, que ta foi ressuscite. Ta postérité possédera. Tu es cette postérité-là. Tu dois posséder. C'est tellement bon, c'est très bon. De frères. Avançons. Qui guérira les malades? Qui placera les orbites dans des conditions mahali, se contrôler par une loi. Cet esprit qui est en vous. Vous êtes fils et filles de Dieu. Le même esprit que vous avez en vous, vous ressuscitera au jour de la résurrection. Je saute. Paragraphe 150. S'il n'y avait pas de loi quant à cela, les fils et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et irait y vivre une vie privée. Alléluia. Kama tu Mungu anatuacha, si Dieu nous laisse, que tu fanye vile tunapenda, sans condition de faire notre gloire avec la puissance qu'il nous a donnée, donc nous allons quitter ce monde. La puissance que nous avons, uwezo tukunayo, nous donne le pouvoir ya monde ingine, de créer un autre monde et nous irons vivre là-bas notre vie. Kanisa, êtes-vous là? Ah, Braname, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Nous ne nous connaissons pas. Nous avons des privilèges qui sont vraiment au-dessus, mais nous nous vivons en bas. La malaria, c'est quoi? La malaria. Dieu t'est guéri de la malaria. Dougou, c'est vrai, tu nous dis, mais la kini, c'est encore bas. Monte encore de niveau. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham, il lui a dit, si tu es sincère, même les cancers, cancer, le cancer, cancer c'est au top, c'est au dernier niveau. Frère, à papier, ici chez nous, cancer même les cancers ne nous inquiètent pas. Les médecins m'ont dit que le type de cancer, c'est vraiment une maladie. Le médecin, ils ont donné seulement le nom des cancers. Mais nous, nous savons que ce sont des démons. Et la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Quelle maladie? Magonjwa, toute maladie. Aina yote magonjwa. On n'a pas cité ces mains à malaria. Oh, ta maladie, c'est le pasteur. Tout ça même la Bible avant de continuer. Lisons d'abord la Bible avant de continuer. Lisons la Bible. Lisons. Marc 16. Marco, écoutez, mes frères et sœurs. Marco, écoutez, ça c'est la parole de Dieu. C'est pour vous. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce que nous prêchons, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Écoutez, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les prédicateurs, qui accompagneront les diacres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il y a les croyants ici. On n'a pas dit on va vous prêcher les miracles. Si vous croyez, même si on ne vous prêche pas les miracles, les miracles viennent seulement. Il n'a pas vous accompagner. On n'applique pas miracle, n'applique pas. On a geuka miracle, n'a geuka. On a lala miracle, n'a lala. On écala miracle, n'écala. Ça t'accompagne. Il qu'on a vous indiquez à phase haute. C'est la vérité. On a cette puissance. On a les ouais onduku. Ana mama hii malaria. N'est pas question de dire ma maladie ici. Vas-y, c'est le pasteur. Vas-y, c'est ma chère pasteur, ma soeur. Nous aussi, nous sommes aux aïfs. Tu es vraiment nul. Qui t'a montré tes faiblesses? Dis-moi, c'est quoi? Quelle était la faiblesse de Jésus-Christ? Quelle était la faiblesse de Jésus? Toi, tu es en lui. Maintenant, pourquoi tu donnes du poids à tes faiblesses? J'ai essayé, j'ai osé, je n'ai pas pu. Tu n'as pas encore osé. Tu n'as pas encore essayé. D'ailleurs, si ben na kupima kwenye mimi nakutayani. Et pourtant, pourquoi j'ai dit essayer? Nous, on n'essaye pas, on n'ose pas. Si tu n'agiras. Nous agissons, tu n'attendas, on n'essaye pas. Dieu n'a pas essayé de nous sauver. Dieu n'a pas tenté de nous sauver. Il nous a sauvés. Il n'a pas essayé de nous guérir. Akupime kututunza. Ali tutunza. Il n'a pas essayé de nous. Akupime kutupatia uwezo. Lakini akupatia uwezo. Mais on n'a plus la panique. On n'essaye pas. Léo, c'est mes weki bengo. Toi, dis, toi, mépris. Toi, odeur. Toi, vantardisme. Aujourd'hui, tu vas rester ici. J'entre dans ma sainteté. C'est la vérité. Toi, frère, tu prends même l'alcool. Toi, frère, tu commences à prendre même l'alcool indigène. Ce sont des choses terre à terre. Oh, tu vas déposer ton alcoolisme ici. Possède cette porte-là. Chikaele Mulango. Voici les miracles. Tazamenu Mijiza. Il accompagne. Il est ta shindikiza. Ça t'accompagne partout. Il a shindikiza face yote. Au marché, Musoko, ça t'accompagne. À l'église, ça t'accompagne. Au canis, shindikiza. À l'école, ça t'accompagne. Masomo, il a shindikiza. Même si tu es jeune, Atakama, tu as déjà crié. Voici kwamini. Les miracles. Tazama qui accompagneront ceux qui auront crié. Wale wataamini. Mon chef Zi a des fétiches. C'est quoi les fétiches? D'abord le fétiche. Lorsque ça vous voit seulement, a perdu, ça perd la puissance. Vous piétinez seulement. Ça va Jésus. Lorsqu'il est arrivé devant ce fou de Gadara, il n'a pas parlé. Le démon eux-mêmes. On a quoi limité? Il y a quoi? La présence de Jésus a troublé les démons. Ta présence aussi a troublé les démons. Il n'a pas ça voulu chez ma démon. C'est la vérité. C'est très bien. Possédant les portes de l'ennemi. Voici les miracles qui accompagneront. Ça t'accompagne. Même si vous êtes endormi, sur votre couche, les miracles vous accompagnent. C'est la vérité. Nukweli. À mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, quelle sorte de démons? Toutes sortes. Yote. Alléluia. Amen. Toutes. Aina yote ya mademona. Boba taifukusha. Et ils vont chasser. Toutes sortes de maladies. Aina yote ya magonjwa. Même le sida. Sida Anthony. C'est quoi même le sida? Bah, on explique mbe. Explique-moi. Sida. Le sida. Iku mumbingu mbele. Iku yulu ya jina kani. Et au ciel, c'est au-dessus de quel nom? Mbe le sida. Le sida. Aina ta yulu ya n'est même pas au-dessus de nom d'un ange. Aina. Ça n'existe pas, parce que c'est un démon. Que les médecins ont donné le nom. Maintenant, un nom que nous avons. Maintenant, le nom de Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout le nom. Et en ce nom-là, les choses tremblent. C'est le nom seulement de Jésus-Christ, les choses commencent à s'aligner. Comme ces démons-là, il dit, je te nous même. Ils ont supplié Jésus. Ah, jetez-nous mêmes dans le port. Et c'est Jésus-là. Na, il est en toi. Ah, c'est Kondaniako. N'est-ce pas, il est en toi. Maintenant, pourquoi tu as peur? Le Tout-Puissant. Écoutez, je continue. Minendelea. Ni 30, hein, monsieur. 30, hein. Ah, ok. Il me reste quelques minutes. Ok. Twende. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Amen. Ils chasseront les démons. Demona. Ils parleront de nouvelles. Qui va parler? Chinoué. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Sanctifie ta bouche. Enlève de ouais, et ma nouvelle à toi de parler Malouga Mupia. Ce n'est pas les choses des nationales, non. Ce sont les choses des enfants de Dieu. Quelqu'un qui prie dans la prière, il sera emporté, il parle en langue. Le problème, c'est de ranger. Mais là, ta prière, il y a que tu potes, il y a que tu potes. Aïe, quoi, quoi. C'est compliqué maintenant. Ils saisiront des serpents. Ouais, ah, ce sont les serpents que tu fuis. Ils boivent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Cette puissance-là, nous l'avons. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est notre pouvoir. Nous qui croyons, je rentre, je retourne ici. Mon lot toujours présent du rocher. Tout le monde rentrons. Ok. Cette puissance est contrôlée. Si vous êtes un fils de Dieu, et si vous êtes une fille de Dieu, cela ne vous quitte jamais. Si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, cette puissance-là ne vous quittera jamais. C'est avec vous jusqu'à quand? Tout le temps, mais votre foi ça n'éloigne, mais cela lakini est toujours là. Il est coupé à lui-même. Alléluia! Alléluia! Imani yako nje kunaenda mbali. C'est ta foi qui fuit. Mais yo uwezo. Mais la puissance. Iko pale. Elle est toujours là. Ayende mbali frère. Elle ne s'enfuit pas. C'était là. Kwa ni pale. C'est toujours là. Quand vous êtes sauvé, Dieu vous donne la foi pour vous élever, sortir de la saleté de la terre. Ah. Alléluia. Kama unamini. Mungu anakukaburia uwezo, anakukaburia imani. Ile imani inakupandisha. Unatoka mubuchafu wa dunia, unakuwa mtu special. Unakuwa supérieur. Unakuwa wayulo. Alléluia. C'est la vérité mes frères et sœurs. La puissance de Dieu. Il a tout fait et tunakuwa supérieur. Fait de nous. Nous ne sommes pas les gens de bas niveau. Si tu n'as jamais écrit, les diables te regardent comme ça en bas. Il y en a zoukanyanga. Mais lorsque tu montes au-dessus, au lieu qui te regardait en bas, mais c'est toi qui regardes maintenant les diables en bas. Alléluia! Les mensonges. Bongo. Unabangaria chini. L'adultère. Busharati. Unabangaria mule chini. Le vol. Wiji. Bushakubakia chini kabisa. L'orgueil. Kiburi. Kinabakia chini. Bushakubakia chini. C'est resté tellement bas. Et c'est de la ya dunia. C'est de la boue. Ouais, ma choku propre. On t'a déjà lavé avec Dieu propre. On t'a placé. Alléluia. Amen. Parce que quand nous croyons, nous sommes enlevés. Dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le reste du monde toque dans la boue, quittez dans la boue, la médisance dans la boue, quittez. C'est la vérité mes frères et sœurs. Et c'est merveilleux. Nani Adamani. Quand vous êtes sauvé, Dieu vous donne la foi pour vous élever, sortir de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Qu'est-ce que votre foi? Votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous pour faire de vous un fils de Dieu. Vous cessez de mentir. Église, mukwapa. Vous cessez de mentir. Vous cessez de voler. Vous cessez de boire. Pourquoi? Parce que votre foi vous élève au-dessus de cela. La foi vous a déjà élevé au-dessus de tous les péchés. Aouna tena nataya kunyia. Il n'a pas le temps d'entrer. Cela ne te convient pas. C'est la vérité. Il y avait un frère, c'était un ami, il a cru, Dieu lui a sauvé. Un jour, il s'est trompé, il est allé entrer dans le cabaret avec ses frères pendant qu'ils étaient en train de danser, et son frère lui a regardé. Il dit, la croix que tu as là, c'est quoi? Il dit, la croix? Il dit, non. Tu as une croix. Il ne voit rien. Il demande à l'autre, regardez-moi. Il y a une croix. L'autre regarde. Il dit, ah, tu as une croix. Ses frères lui ont chassé au cabaret là où ils étaient. Ce n'est pas ton endroit. Dans la méditation, ce n'est pas votre lieu. Dans la méditation, ce n'est pas votre lieu. Dans le ministère, ce n'est pas votre lieu. En Témakia, ce n'est pas votre lieu. Dans le bœuf, ce n'est pas votre lieu. Dans la ligne, ce n'est pas votre place ou dans le maçon. Dans la parole. Ndani Aneno. C'est la vérité. On t'a déjà donné la puissance. Ukunayo, frère. Tu as la puissance. Ce matin, revendique tes droits. Dai, tu es un enfant de la promesse. Toto, setani, que les diables ne pas dans les péchés. Décide-toi aujourd'hui. Qui a la puissance? Ukuna uwezo. Qui t'a donné cela? Nanya, le Seigneur Jésus-Christ. Les maris fidèles. Les maris capables. L'ami fidèle. Les bien-aimés. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Et le Tout-Puissant. Anaweza, Anaweza yote, Anaweza, Yesu Anaweza yote, yo Anaweza, Anaweza yote, Anaweza, Yesu Anaweza yote. Amuja kuimba bien frère. Écoutez, je vais vous inciter. Minemba anaweza, anaweza yote, anaweza, Yesu anaweza yote, anaweza, anaweza yote, anaweza, Yesu anaweza yote. Kama mimi nimesha kutuma, naomba mnarepete. Mnasikii? Anaweza, anaweza yote, anaweza, Yesu anaweza yote, yeah. Anaweza, anaweza yote, anaweza, Yesu anaweza yote, oh, anaweza, anaweza yote, anaweza, Yesu anaweza yote. Anaweza, anaweza yote, anaweza, anaweza yote. Il nous a dit, il a dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Toutes sortes de portes ce matin, vous devez posséder cela. L'adultère, c'est une porte, possédez cela. Alléluia! Toutes sortes de péchés, ce sont des portes. Au nom de Jésus-Christ, possédez cela. Toutes sortes de maladies, ce sont des portes. Au nom de Jésus-Christ, possédez cela. Toutes sortes de problèmes, ce sont des portes. Au nom de Jésus-Christ, possédez cela. Même la stérilité, c'est une porte. Ce matin, dis à Dieu, je réclame mes enfants. Je réclame mes enfants. Oh, je n'ai pas la bonne santé. Ce matin, tu as droit à la bonne santé. Réclame cela. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu as droit au Saint-Esprit. Réclame cela. Tu n'as pas la paix. Tu as droit à ça. Réclame cela. Tu n'as pas le travail, tu as droit à ça, réclame cela. Tu n'as pas le mariage, tu as droit à ça, réclame cela. Tu n'as pas d'argent, tu as droit à ça, réclame cela. C'est la vérité. Vous devez posséder. Inclinons nos têtes. Si vous croyez en Jésus-Christ, cette promesse sera pour vous. Vous allez posséder toutes sortes de portes. Le problème, croyez en Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais cru, croyez en Jésus-Christ. Laissez-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Et vous aurez cette puissance. Si vous êtes là, vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, levez votre main. Vous êtes quelque part. Vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Levez seulement votre main. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Venez ici devant. Venez devant, mon frère. Si vous êtes aussi quelque part, venez. Notre main, venez. Levez-vous, venez. Venez seulement. Venez, ma soeur. Venez là-bas. Venez, mon frère, si vous êtes quelque part. N'hésitez pas. Venez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Laissez-vous baptiser dans beaucoup d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Venez, mon frère. Venez, venez, ma soeur. Il y a une autre main. Venez, venez. Venez ici devant. Que Dieu vous bénisse. Les salis, c'est gratuit. Abakulo mekintu kya kulipa. We kuya tu mpatie Yesu maisha yako. Uta posede. Ma porte yote ya shetani. Hakuna ta shetani moyo. Ula takuwa na uwezo ya kukusimamia wewe na kukuvaincre. Le problème, donne-toi à Jésus-Christ. Naitoa mbele ya Mungu, oh maisha yangu ninaitoa mbele ya Mungu, oh maisha yangu ninaitoa, oh imani yangu ninaitoa. tâche, maman Chibote. Nous tiendrons tous debout. Na tukuna omba si se zote.